laissé derrière pas un nœud de bois, pas un caillou, pas une seconde. Forme pour la guerre. Exploser plus tard. Picax, picax, encore, encore. Sac plein, poids mort, mais on rentre pas sans. Il se croit loin, mais chaque stack, c'est une balle de plus et une porte de moins. Forme pour la guerre. Pour BO d'une baraque, mais pour l'écraser. Forme pour la guerre. Souffre, bois, métal. Souffre, bois, métal. Souffre, bois, métal. Souffre, bois, métal. En tant que je farm, ils savent chaque bruit, chaque mouvement, c'est du plomb en puissance. Farmer pour la guerre. Pas pour demain, pour ce soir, pour cette nuit. Quand tout s'éteindra, Riders, qu'il aura de quoi briser.